Chapitre 4e. Un autre Edward Powell. En quittant l'hôtel particulier des Powell, Nick Carter retourna aussitôt au club. Quand il arriva devant la maison, il chercha Jake du regard. Il fit même entendre un sifflement particulier qui était un signal convenu avec son cousin, mais celui-ci ne parut pas. Le maître comprit alors que Thompson était déjà revenu et que son premier aide était parti en sa compagnie. Il était clair pour lui que Jake devait se trouver dans une situation extrêmement périlleuse. Son cousin n'avait pas eu en effet le temps ni la possibilité de composer son déguisement avec une exactitude suffisante et il n'était pas assez renseigné sur la conversation que Nick avait tenue au club avec Thompson. Il courait donc le plus grand risque d'être reconnu et les malfaiteurs s'efforceraient de le capturer. Nick Carter devait donc à tout prix essayer de le suivre. Il songea d'abord à interroger les cochers de la station de voiture pour savoir si un homme au favori brun, coiffé d'un chapeau haute forme, avait pris un cab en compagnie d'un gentleman imberbe. Mais il renonça à cette idée. Les bandits pouvaient avoir en effet placé un espion aux abords du club et Nick se serait trahi en interrogeant les cochers. Le détective adopta un autre plan. Si Chick avait été démasqué par les malfaiteurs, il était certain que Thompson reviendrait chercher le vrai Edward Powell, à la personne duquel il semblait s'intéresser tant. Le maître décida donc de reprendre le rôle du prétendu Edward Powell. Il se rendit à son pied-à-terre le plus proche et là, recomposa son déguisement avec son habileté coutumière. La nuit était déjà très avancée quand il revint au club. Les derniers gentlemen présents se préparaient à partir. Nick se fit servir un whisky. Il était devant le buffet depuis quelques minutes lorsque Joe Thompson arriva en grande hâte. « Ah, vous êtes encore ici, Mr. Powell » s'écria-t-il. « J'avais peur de ne plus vous trouver. »« Vous vous êtes fait attendre longtemps, » grommela Nick, d'un ton de mauvaise humeur. « J'allais partir. » »« Je renonce pour aujourd'hui à notre conférence, il est trop tard. »« Oh, vous ne ferez pas ça !» protesta Thompson. « Nous n'avons pas une minute à perdre si nous voulons relever la trace de votre frère disparu. » Il importe que nous prenions immédiatement les mesures nécessaires. Le lieu où nous pourrons nous entendre sans être dérangés est-il loin d'ici ? Demanda Nick, bourru. Pas du tout. En prenant une voiture, nous y serons dans 10 minutes. Nick Carter se dirigea vers la porte. Venez alors, dit-il en vaillant. Je suis terriblement fatigué, et je voudrais entrer le plus tôt possible à la maison pour me coucher. Un éclair de joie brilla dans les yeux de Thompson, quand il entendit que son interlocuteur consentait à l'accompagner. Les deux hommes quittèrent ensemble le club et prirent un cab qui devait les conduire au coin de l'avenue A et de la 60e rue. Nick restait fidèle dans le moindre détail au rôle qu'il avait assumé, et son compagnon ne doutait nullement d'être avec l'authentique Edward Powell. Thompson fit suivre au grand détective le même chemin qu'il avait fait prendre à Chick pour le conduire au petit hôtel particulier sur le quai de l'East River. Le domestique vint ouvrir tout de suite à son coup de sonnette. Le valet ne semblait pas averti et fit une mine ahurée quand il aperçut le détective déguisé. « Godam ! » s'écria-t-il. « Combien y a-t-il donc d'exemplaires comme celui-là ? C'est toute une théorie de frères jumeaux que vous nous amenez. » Thompson fit un geste pour lui imposer silence. Nick Carter s'était arrêté et toisait le domestique avec hauteur. Il se tourna vers Thompson et demanda d'un ton glacial « Qu'est-ce que cela signifie ?» Est-ce l'habitude dans cette maison que les domestiques se permettent de pareilles insolences ? Le clubman était très embarrassé. Il se tira d'affaire en apostrophant violemment le domestique. Qu'est-ce qui vous prend ? Comment vous oubliez-vous au point de me parler sur ce ton ? Faites immédiatement des excuses à ce gentleman ou je veillerai à ce qu'on vous congédie. En même temps, il faisait signe à l'autre à la dérobée. Nick le remarqua. Le domestique balbutia des excuses et se retira en feignant une extrême confusion. « Venez, Mr. Powell, » dit Thompson de sa voix la plus aimable. Mais Nick Carter demeurait irrésolu. « Je ne me plais pas dans cette maison, » dit-il avec humeur. « Ne pouvons-nous trouver un autre lieu où nous ne serons pas exposés à de telles impertinences de la part des domestiques ?»« Ah, Mr. Powell, puisque nous y sommes, autant rester ici. Il n'y a pas de café dans le quartier. Et d'ailleurs, nous risquerions de trouver tous les établissements fermés. »« Mais je ne veux pas demeurer ici. » La situation de la maison elle-même me déplaît. Je ne me sens pas rassuré dans ce quartier mal fréquenté. Sur le quai de l'East River, je suis surpris, Mr. Thompson, que vous ayez choisi un tel lieu pour m'y conduire. Nick Carter fit mine de se diriger vers la porte pour sortir, mais Thompson s'élança pour lui barrer le chemin et le détective mit un revolver braqué sur lui. « Pas un pas de plus, Mr. Powell, ou vous êtes mort. Vous resterez dans cette maison jusqu'à ce que je vous permette d'en sortir. » Nick recula comme épouvanté. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » exclama-t-il. « M'avez-vous attiré dans un guet-apens ?» Thompson fit entendre un rire dur. « Vous êtes au pouvoir de la société secrète des chasseurs d'or. »« Mais que me veut-on ? Pourquoi m'avez-vous amené ici ?»« Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, Mr. Powell. Il ne vous arrivera rien. Si vous consentez à vous soumettre aux ordres de la société secrète, et si vous tenez le serment qu'on exigera de vous. » « Pourquoi dois-je prêter serment ?»« Parce qu'il faut que vous deveniez membre de la société secrète. »« Mais je ne le veux pas, non jamais de la vie. »« Alors vous resterez prisonnier de la société secrète. »« Vous ne sortirez plus de cette maison. » Nick Carter se redressa d'un air de défi. « Oh, c'est ce que nous verrons. » »« Edward Powell ne se laisse pas traiter de cette façon. »« Vous figurez-vous que j'ai peur de votre revolver ?» Il fit un mouvement comme pour s'élancer sur Thompson, mais celui-ci lui criait « Halte !»« Voulez-vous avoir la bonté de vous retourner, Mr. Powell ?» Nick obéit et vit trois domestiques debout derrière lui, revolver au poing. Les drôles s'efforçaient évidemment de se donner un air terrible. Le maître feignit d'être très effrayé et resta comme enraciné. « Par le diable !»« Vous avez bien pris vos dispositions, n'est-ce pas ?» dit Thompson en souriant. « Vous devez reconnaître à présent que toute résistance de votre part serait vaine. » « Si vous n'avez pas encore envie d'être expédié dans un monde meilleur, vous ferez bien d'obéir. » Nick ne répondit pas. Il baissait la tête, sombre, les sourcils froncés. « Soyez donc raisonnable, » insista le malfaiteur. « Je vous répète que la chose n'a rien de terrible et qu'on vous laissera partir. Si vous consentez à devenir membre de notre société et à vous engager à une discrétion absolue. » Nick fit entendre un rire farouche et dit sèchement. « Je suis obligé de vous faire observer, monsieur, que vous avez une façon singulière de recruter des membres pour votre société. »« Je me réjouis de vous entendre parler ainsi, » repartit Thompson en reprenant les manières de l'homme du monde. « Voulez-vous avoir l'amabilité de me suivre, Mr. Powell ?»« Il le faut bien, » grommela Nick. « Je n'ai pas envie de me faire casser la tête. »« Voilà ce que j'appelle sagement parler. » Votre frère n'a pas été aussi raisonnable et il recevra le châtiment de son obstination. Le prétendu Edward Powell fit haut-le-corps. Que dites-vous là? Mon frère se trouve donc aussi au pouvoir de la société. Mais naturellement, la société choisit avec prédilection les gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà pourquoi elle a songé aussi à votre frère. Vous ne l'avez pas assassiné, j'espère, scélérat! S'écria Nick d'une voix tonnante. « Ne dites pas d'absurdité, Mr. Powell, » répondit Thompson avec un rire cynique. « Henry Powell est encore en vie. Je vous fais remarquer une chose. La société des chasseurs d'or n'assassine jamais, elle châtie. Il lui arrive de prononcer la peine de mort contre quelqu'un, mais ce n'est pas un assassinat, il s'agit d'une exécution. Merci de vos éclaircissements, monsieur. Puis-je vous demander en quoi consiste le châtiment dont mon frère est menacé ? Vous le verrez de vos propres yeux, Mr. Powell. « Suivez-moi seulement. » Nick n'essaya plus de résister. Il suivit de bon gré Thompson, qui le conduisit dans le petit cabinet de travail. Le détective se sentait très satisfait car il savait à présent qu'Henry Powell vivait encore. Il était également renseigné sur le véritable caractère des gens qui jouaient le rôle de domestiques dans la maison. C'étaient tous des malfaiteurs qui faisaient partie de la bande et qui n'hésitaient pas à commettre un assassinat pour se mettre à l'abri d'un danger ou obtenir de l'argent. Dans le cabinet de travail, Thompson frappa encore avec le marteau d'argent contre le pied de la table. Le secrétaire de chaîne massif s'écarta, la trappe s'ouvrit, découvrant le sommet de l'escalier. « C'est tout simplement admirable, » observa Nick. « Cette histoire n'est qu'une canaillerie colossale, mais elle commence tout de même à m'en imposer. » Thompson inclina la tête avec contentement en entendant cette réflexion du détective. Il l'invita d'un geste le prétendu Edward Powell à descendre. Nick n'hésita pas. Il descendit avec précaution l'étroit escalier de pierre jusque dans la cave. Comme il inspectait du regard le vestibule souterrain, Thompson lui montra une porte fermée et dit « Voyez-vous, Mr. Powell, vous avez un sosie qui est enfermé derrière cette porte. C'est un maudit mouchard qui a osé s'introduire ici sous votre déguisement pour épier les secrets de notre société. Nous l'avons incarcéré pour la peine il n'y a pas de puissance au monde qui soit capable de le sauver. » Thompson était tout à fait sûr de son homme. Il ne doutait pas un instant qu'Edward Powell ne devint membre de la société ou ne quitta jamais ses souterrains. Mais Nick se réjouissait en secret de savoir à présent ce que son cousin Chick était devenu. Il se sentait désormais plein d'assurance. Il avait la conviction de délivrer son cousin et considérait même déjà le misérable qu'il avait introduit dans le repaire des bandits comme son prisonnier. Aussi fit-il preuve d'un sang-froid extraordinaire pendant les événements qui suivirent. Thompson se dirigea vers une porte entrebâillée qui donnait sur un corridor. Il s'engagea dans ce boyau avec le détective et au bout de quelques pas, ouvrit une large porte en fer qui donnait sur un caveau entièrement tendu de noir. Un cierge allumé projetait une faible clarté dans la chambre. Le spectacle qui s'offrait au regard du détective était fait pour inspirer l'horreur. Des crânes étaient rangés sur des rayons contre le mur. Au milieu de la salle, il y avait une civière sur laquelle gisait un homme immobile et couvert d'un drap noir. Nick Carter fit semblant d'être très effrayé. Il regardait avec horreur le corps étendu. Thompson, qui observait son compagnon du coin de l'œil, déclara sourdement « Voici les crânes de ceux qui ont trahi leur serment. Et voici le dernier parjure. Dans une heure, il aura cessé de vivre. » Nick Carter reconnaissait dans l'homme inerte le millionnaire Henry Powell. Il s'approcha d'un pas et s'exclama anxieusement « Ciel, mais c'est mon frère !»« C'est lui !» confirma gravement Joey. Il a dû entrer dans notre société, a prêté le serment et bu notre sang mélangé. Malgré cela, il s'est enfui avant l'expiration de sa période d'épreuve et a poussé l'audace jusqu'à requérir contre nous les services du détective Nick Carter. Ce dernier, je vous l'ai dit d'ailleurs, est également en notre pouvoir et il sera puni de mort pour avoir osé agir contre nous. Et mon frère? Quel sort lui réserve-t-on? Va-t-on le tuer? S'écria Nick en feignant le désespoir. La société va décider de son sort dans un moment et la sentence sera exécutée. Vous serez vous-même témoin de la discussion et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous soumettre sans réplique, car il dépendra de votre attitude, si nous vous permettrons de revoir la lumière du jour. Nick Carter ne répondait pas. Il demeurait immobile, regardant Henry Powell et en proie, semblait-il, à une douleur morne. Il avait donc deviné juste. Les deux gouttes de sang qu'il avait trouvées dans la chambre de l'infortuné Henry Powell provenaient de la cérémonie symbolique à laquelle les malfaiteurs avaient obligé leurs victimes à se soumettre. Le détective était très content. Il avait à présent la révélation entière des mystères de la société secrète qui exerçait sans doute ses méfaits à New York depuis longtemps. Et il pouvait mettre un terme aux agissements des criminels. Nick Carter ne songeait pas à la situation dangereuse dans laquelle il se trouvait. Ne se disait pas qu'il était pour ainsi dire à la merci des bandits. Il se sentait trop sûr de lui. Il avait la conviction de trouver au moment décisif un moyen de se tirer d'affaire. Il se fit en outre aux deux revolvers qu'il avait dans ses poches à portée de ses mains. Thompson lui frappa sur l'épaule. « Vous voyez que vous êtes en notre pouvoir ?»« Oui, je le vois, » répliqua sourdement Nick. « Et vous vous soumettrez à toutes les exigences de la société ? Vous obéirez à ses ordres ?» Nick Carter soupira. « J'y suis bien forcé. Vous consentez à prêter le serment de fidélité et de silence et à entrer dans la société ? Puis-je faire autrement si je ne veux pas mourir ? Et vous tiendrez votre serment ? Naturellement. Je ne veux pas m'exposer au même sort que mon pauvre frère. All right, » fit Thompson satisfait. « Suivez-moi donc devant mes frères de la société secrète des chasseurs d'or. » Le malfaiteur ressortit dans le couloir et ouvrit une porte en face de la chambre funèbre. Il fit entrer son compagnon dans une salle où une douzaine d'hommes étaient réunis. La plupart de ces gens étaient bien mis et avaient l'air distingués. On n'aurait jamais soupçonné en eux de tels scélérats. Ils auraient fait bonne figure dans n'importe quel salon. Il y avait pourtant dans le nombre quelques drôles qui représentaient le vrai type du criminel, et qu'on devinait capable de commettre n'importe quel forfait pour de l'argent. Les hommes avaient formé le cercle. Thompson fit avancer le prétendu Powell au centre de la salle. Un profond silence attentif régnait dans l'assemblée. On indiqua à Nick une chaise sur laquelle il dut s'asseoir. il observait les gens réunis autour de lui et en reconnaissait plusieurs. L'un en particulier était au sud de Nick Carter, un criminel des plus redoutables, un repris de justice, qui avait déjà fait de nombreuses années de prison et que la police recherchait à cause d'un nouvel assassinat. Ce personnage peu recommandable se nommait James Hell. Le grand détective résolut d'avoir tout particulièrement l'œil sur lui. Cet homme était vigoureux et trapu, il avait une tête hideuse avec des cheveux rouges carotte, un mufle de bulldog, un cou de taureau. Le détective devait bientôt apprendre que cet homme remplissait dans la société secrète les fonctions de bourreau.